convention de Berne. Donc la convention a grandi, je vais reprendre un petit peu où je m'étais arrêtée. On va petit à petit entrer dans le droit national la prochaine. Je terminerai, je vous parlerai également des accords de l'OMC et de l'une ou l'autre convention internationale. Donc, on va mettre beaucoup sur les conventions internationales qui sont assez importantes. Et puis, parce que vous verrez combien ça a influencé le droit national. Et puis, nous verrons progressivement la teneur du droit national. Mais c'est donc là, je reprendrai les projections pour le droit national. Pour le droit international, ce n'est pas nécessaire parce que j'aborderai les choses de façon un peu plus littéraire que lorsqu'on verra le droit national où c'est plus technique. Bien que cette partie-ci, comme vous le verrez, introduit une forme de technicité qu'on va retrouver dans le droit national. Car il y a une forte influence en matière de droit d'auteur des conventions internationales sur les lois nationales, sur la structuration des lois nationales. Donc je vais peut-être reprendre là où je m'étais arrêtée. Je crois que j'avais... Oui. Mais j'ai une extinction de voix. J'ai une grippe, j'ai été souffrante et c'est toujours pas revenu, quoi. Je suis désolée. Donc il faut pas que je la perde parce que j'ai encore cours après. Mais vous pouvez vous rapprocher hein, si vous entendez pas bien. Donc, où est-ce que je m'étais arrêtée, puisque je n'ai pas pu malheureusement vous donner cours la fois dernière. Donc on rattrapera ce cours si nécessaire en décembre. J'ajouterai peut-être un cours. Je vais essayer de rattraper en synthétisant. Je m'étais arrêtée. La construction de la convention de Berne avec les deux... Les deux piliers, hein. Voilà. D'accord, c'est ce que je pensais. Donc, merci. Donc, ce que je vous avais exposé était important peut-être en matière de convention internationale de comprendre, c'est que lorsqu'on a conclu et négocié la convention de Berne, je vous avais exposé la fois dernière qu'il y avait une influence importante entre la loi sur le droit d'auteur et la belge de 1986 et la convention de Berne. Lorsque l'on a construit la convention de Berne, il y a eu effectivement une recherche de permettre aux États qui allaient adhérer à cette convention de pouvoir assurer une protection relativement homogène du droit d'auteur. Car on se trouvait dans l'Union de Berne, cette union qui rassemble donc l'ensemble aujourd'hui plus d'une centaine d'États membres, donc c'est une union fort importante. Il y avait beaucoup de disparités entre les protections. Il y avait des États où il n'y avait même pas du tout de protection, à peine de protection. Et lorsque on a négocié cette convention à la fin du 19e siècle, la Belgique a souhaité, après l'indépendance nationale, la construction de la Belgique, pardon, sur l'indépendance par rapport au passé. Ce qui est important, c'est qu'en Belgique, on a décidé de directement, au fond, reprendre une partie de cette structure ou de la communiquer, puisque je vous avais exposé que combien les travaux préparatoires de la loi belge avaient influencé également la structure de la Convention de Berne et le contenu de la Convention de Berne. Donc, il y a eu une interaction entre les différents travaux. Et l'objectif était, en Belgique, de se doter d'une loi assez moderne, assez protectrice, d'une loi qui pouvait peut-être recouvrir l'ensemble de la création dite classique, en tout cas, les sculptures, les écrits, la peinture, la littérature, mais également d'intégrer progressivement, au fil du temps, l'évolution technologique. On n'avait pas encore l'évolution technologique qu'on a rencontrée, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'on a eu les développements en matière de radio, de télé, puis petit à petit nous de l'internet, on n'avait donc pas bien sûr des développements aussi importants que ceux-là, que ceux qu'on a rencontrés par la suite, mais on était quand même à la fin de la révolution industrielle et donc on était préoccupé par la volonté de pouvoir avoir un système assez moderne de droit d'auteur en Belgique. Et au niveau international, on souhaitait essayer de mettre en commun ce qui pouvait apparaître comme le maximum de protection, comme le niveau le plus élevé de protection. D'où l'intérêt pour la Belgique à l'époque d'avoir un niveau de protection élevé. Lorsque les États se sont réunis au sein de l'Union de Berne, leur volonté était, en tout cas la France, une série d'États souhaitait pousser le niveau international à son niveau le plus élevé par rapport au niveau national existant. Peut-être même à ce... Alors, ce qui était intéressant, c'est que comme les protections étaient fort différentes d'un État à l'autre, un niveau de protection élevé dans un certain secteur pour un État pouvait conduire à ce que d'autres États reconnaissent ce niveau élevé de protection, et à l'inverse, certains autres États pouvaient avoir des hauts niveaux de protection dans d'autres secteurs que d'autres États concernés. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, lorsqu'on a observé l'ensemble de la situation des États unis, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de secteurs où il convenait de reprendre les niveaux les plus élevés et d'essayer de trouver un compromis à ce sujet. Ce qui a eu pour impact d'hausser au niveau international, en définit donc le niveau, mais aussi au niveau national. Parce qu'à certains degrés, les États ne pouvaient pas se trouver dans une situation où ils protégeaient moins bien les nationaux que les étrangers au niveau international. Donc il fallait pousser un niveau de protection aussi du coup au niveau national. Parce que si le niveau international en définitive le permettait avec des réserves le cas échéant, l'objectif était d'assurer à ses propres nationaux un niveau comparable. Donc voilà ce que je vous avais, je pense, exposé. Et je vais revenir maintenant plus lentement à la matière de la construction de la politique internationale. Donc il y avait, au moment où l'on s'est réunis pour pouvoir rédiger la convention de Berne, il y avait plusieurs options possibles. La première option, qui était évidemment idéale, mais qu'on n'a toujours pas atteint aujourd'hui, même au sein de l'Union européenne, c'était un système d'unification complète du droit d'auteur. Donc ça veut dire un droit unique, un seul instrument qui puisse valoir dans tous les États et qui remplace en quelque sorte le droit national. Donc un instrument ou qui aligne, qui fait en sorte qu'il est tellement bien construit et détaillé que le droit national est comparable, complètement comparable, voire identique à ces systèmes d'unification. C'était un projet qui était ambitieux et comme je vous l'avais exposé, c'était irréalisable à l'époque, ça l'est toujours aujourd'hui en raison des grandes disparités qui existent entre le droit continental et le droit anglo-saxon. Puisque le droit anglo-saxon est un droit qui est beaucoup plus centré sur un droit de s'opposer à la copie, un droit sur c'est le droit du copyright, où le titulaire du droit d'auteur sera souvent, ou le titulaire du copyright sera souvent une industrie, puisque le but c'est de s'opposer à ce qu'une copie soit faite, donc c'est un instrument dans le système anglo-saxon qui sert davantage à défendre des intérêts contre le piratage, contre la copie illégitime, plutôt qu'un instrument qui permet de mettre en évidence, si vous voulez, le patrimoine culturel, de mettre en évidence le talent créateur. C'est plus un instrument, le copyright est un instrument qui va protéger une industrie sur un marché, un droit de monopole au service d'une entreprise pour lui permettre de protéger ses produits, ses créations, les créations faites par ses employés, mais surtout s'opposer à ce qu'on les copie, à ce qui est de la contrefaçon. C'est un droit de monopole, mais un peu comme celui des éditeurs, en quelque sorte, que je vous avais exposé dans l'histoire du droit d'auteur. Dans le système continental, c'est l'inverse, un droit qui a des caractéristiques humanistes, qui est fondé sur la personnalité de l'auteur, et qui donc est un droit qui tient compte de beaucoup d'éléments proches de la personnalité. Et cette conception humaniste du droit d'auteur n'était absolument pas considérée comme aisément transposable dans un modèle anglo-saxon. Donc l'objectif d'une unification est apparu très rapidement comme impossible à atteindre. Car personne ne voulait renoncer à son propre système. Et aujourd'hui encore, au niveau international, nous rencontrons, notamment par exemple avec les États-Unis, nous rencontrons d'importantes distinctions entre les systèmes juridiques et nous avons des difficultés réelles à pouvoir trouver un système équilibré de protection des droits de part et d'autre. Souvent, dans les discussions que nous avons au niveau au sens large. Dans les rencontres que nous avons donc avec les délégations des États, nous nous rendons compte que notre système humaniste du droit d'auteur est considéré comme éminemment lourd, comme posant beaucoup de contraintes à l'industrie américaine et comme étant un système dépassé, si vous voulez, à leurs yeux. C'est un système qui, à mon sens, est tout cohérent et qui a toute sa valeur, mais qui participe d'éléments et d'une idéologie qui est complètement différente. Simplement, c'est la volonté, et là, c'est relativement compliqué à réconcilier, cette volonté de protéger la personne en tant que créateur qui nous est propre, et cette volonté de surtout protéger l'industrie qui est propre au système anglo-saxon. Ce sont deux points de vue qui, malgré la mondialisation, ne se rejoignent pas facilement, sauf lorsqu'il est question de protéger l'industrie. Alors là, on a des points communs. Mais dès qu'on arrive aux questions plus propres au droit, entre guillemets, de la personnalité de l'auteur, il y a de gros écarts, je dirais, entre les dans l'adhésion au système proposé. Donc, au niveau international, lorsqu'on a rédigé la Convention de Berne, constatant qu'un système d'unification n'était pas possible, on en est venu à un système qui était plus modeste et qui est un système où on laisse subsister les législations nationales, donc on laisse à chaque État le soin d'avoir sa propre législation. Ce sont des législations qui sont donc limitées au territoire de chaque État membre, des législations territoriales, limitées au territoire des États, tout en essayant de construire alors des ponts entre les régimes qui existent, les différents États. Et un des premiers ponts auxquels on avait songé, c'était d'essayer d'éviter des discriminations et d'assimiler un auteur étranger aux auteurs nationaux. Donc, pour permettre à la culture de circuler et essayer de créer un régime unifié, l'objectif était de créer un pont en créant un système d'assimilation de l'auteur étranger aux ressortissants nationaux. Donc, un auteur français, par exemple, voulant donner sa représentation belgique, serait, dans cet esprit, assimilé aux auteurs belges. Un auteur belge qui verrait sa sculpture donc exposée dans des musées italiens, verrait son œuvre protégée comme les œuvres italiennes. Donc c'est ça, cette idée d'assimiler l'étranger au national, c'est ce qu'on va appeler le traitement national. Donc c'était une des propositions qui a été mise sur la table. Chaque État garde sa propre législation et chacun fait en quelque sorte ce qu'il veut. Donc chaque État a la liberté d'agir, mais on essaye de créer des instruments permettant de rapprocher d'une manière ou d'une autre. Et le premier instrument auquel on a songé, c'est un instrument qui élimine les discriminations et donc qui va se fonder sur ce qu'on va appeler le traitement national. On assimile l'étranger au national. Je vais détailler après cet instrument. C'est un instrument qui a été adopté et qui a donc été très important en fait, puisqu'il va pouvoir bénéficier à tous les ressortissants des États contractants au sein de l'Union. Donc tous les nationaux, les différents États vont pouvoir bénéficier d'une protection dans le pays où ils vont, où ils iront exploiter dans un autre État contractant, où ils iront exploiter leur œuvre. C'était déjà un premier grand pas par rapport au système du 19e siècle où, comme je vous l'avais exposé, on avait beaucoup d'insécurité juridique et où, passé la frontière, on ne savait pas très bien si une œuvre allait encore être protégée, qui avait pour impact que les auteurs n'avaient pas tellement envie de voyager, de circuler, de promouvoir leurs œuvres à l'étranger. Déjà que c'était se déplacer de façon tout à fait différente, et les moyens de communication n'étaient évidemment pas ceux qu'on connaît aujourd'hui, qui sont vertigineux, avec le développement numérique et digital. Néanmoins, il y avait une frilosité à faire publier, à communiquer son œuvre à l'étranger. Donc, premier objectif rencontré, on essaye d'éliminer les discriminations. On verra ensemble que ce n'est pas toujours parfait. Ce n'est pas toujours évident d'assimiler l'étranger au national. Mais si c'est rencontré à 80%, c'est déjà ça. C'est déjà un grand pas en avant. Alors ce système est apparu comme un très bon système pour la plupart des États contractants, mais est apparu assez vite insuffisant. Dans la réflexion qui avait été menée lors des négociations, plusieurs États ont fait valoir que ce qui était tout à fait décourageant, qui restait décourageant pour la circulation des œuvres, c'est que chaque État pouvait faire ce qu'il voulait, encore avec sa législation nationale. Protéger, pas protéger, protéger à moitié, décider de n'accorder des protections qu'à certains types d'œuvres, créer des hiérarchies quant au mérite des œuvres, décider que il y avait des belles œuvres et des œuvres qui étaient plus quelconques ou plus subsidiaires. Bref, des systèmes qui pourraient être complètement opposés. Et la question pour encourager la circulation des œuvres consistait à dire, mais que faire si il n'y a pas de protection dans un autre État contractant, puisque chaque État fait ce qu'il veut. Un État peut décider d'asseoir une protection tellement basse que, en définitive, la protection qu'il consacrerait est, au fond, symbolique. Il revient à ce qu'il n'y ait pas de protection. Donc, que faire dans une situation où on souhaite que les œuvres circulent, que passer la frontière, il y ait encore une protection? Et que faire lorsque, pour stimuler cette circulation des œuvres, que faire si un État ne protège pas ou à peine les œuvres donc de l'esprit? Et c'est là qu'on a ajouté un deuxième pilier, un deuxième instrument pour essayer de contrecarrer cette situation. Car à quoi sert le traitement national s'il n'y a pas de protection nationale dans le pays où on le demande? Donc à quoi ça sert? À rien. Donc pour éviter cette situation-là, on a ajouté un deuxième élément qui est ce qu'on va appeler un minimum conventionnel. Un minimum conventionnel, à savoir une protection qui est assurée par la convention elle-même et qui est tout à fait indépendante de la législation nationale. Donc, ce mécanisme est évidemment intéressant parce que intéressant pour autant que dans la convention on arrive à se mettre d'accord sur un minimum conventionnel, pour autant qu'on arrive à le définir, à ce que le niveau de protection soit assez élevé, parce que si le minimum conventionnel qui va prévaloir indépendamment de la législation nationale n'est pas trop élevé, ça n'a pas beaucoup d'intérêt non plus. Mais ce deuxième instrument complète bien le principe de l'assimilation d'étrangers au national, puisqu'il garantit au fond qu'une protection sera assurée en vertu de la Convention, quel que soit le niveau de protection de la législation nationale. Donc, si la législation nationale est tout à fait basique et ou tout à fait anecdotique, le minimum conventionnel, dès lors qu'il est formaté et qu'il est défini à un certain niveau, va pouvoir s'appliquer et compenser, si vous voulez, le déficit qui sera le déficit de la législation nationale. Donc en combinant les deux, on arrivera d'une part à éliminer en grande partie les discriminations, et d'autre part, on arrive à avoir un certain niveau de protection qui s'impose de quelque manière que ce soit et dans n'importe quelle circonstance, quel que soit le niveau de protection du pays où la protection est réclamée. Ce qui assure dès lors une certaine homogénéité dans la protection et qui peut stimuler la circulation des œuvres. Ce minimum conventionnel est cependant soumis à certains impératifs. Est-ce que vous voyez lesquels ? Je vous réveille de votre ordinateur parce que vous êtes tous en train de... Je ne sais pas, vous êtes endormi, mais vous êtes concentré dans votre ordinateur. Je vous réveille de l'informatique. Donc l'informatique, ça ressort. Voilà. Est-ce que vous voyez le clé ? Les clés. C'est-à-dire ? que vous êtes d'accord avec ça? Non. Qui dit non? Moi. Vous, pourquoi? Non, parce que normalement les normes internationales prévalent sur les normes nationales. Oui, mais bon, ici. Non, c'est pas la bonne réponse, c'est ça. C'est juste hein, ce que vous dites, évidemment, c'est bon. Je ne vais pas dire le contraire, c'est un principe de droit international, mais ce n'est pas la bonne réponse quand même. Il y a une autre réponse. Dites-moi, vous vouliez dire? Ben non, mais je voulais répondre en disant que ici, ce qu'on dit, c'est de l'homogénéité. Oui, et donc? Ben donc, il faut que chaque État perde de sa souveraineté pour qu'il y ait une homogénéité dans le monde. D'accord, c'était juste, tout à fait. Dans ce sens-là, c'est juste qu'il abandonne une partie de ses propres prérogatives pour accepter, en quelque sorte, d'adopter un minimum conventionnel. D'accord, ça c'est juste. C'est-à-dire qu'effectivement, donc, pour dire les choses plus simplement, peut-être, enfin, je ne sais pas si je dirais ça plus simplement, je te dirais peut-être plus techniquement, ce qui va se passer, c'est qu'une convention internationale, c'est donc une convention qui est amenée à s'appliquer, comme vous l'avez exposé, par rapport à des éléments d'extranéité. Extranéité, c'est-à-dire que l'on est donc confronté à des éléments étrangers. C'est-à-dire qu'on est, par exemple, un auteur d'un État qui va demander une protection dans un autre État. Pour l'instant, on ne vise pas une situation strictement interne, strictement nationale. D'accord ? On vise une situation qui a un volet international. Donc, si on adopte un minimum conventionnel, ça signifie, donc la première condition, ça signifie que un État peut avoir une législation, c'est bien ça l'objectif du minimum conventionnel, qui n'est pas très protectrice. Donc, par rapport à ses propres nationaux, il va accorder une protection basique. Prenons par exemple la Belgique, prenons la France. Imaginons qu'en France, on a mis du temps d'ailleurs en France pour protéger de manière tout à fait adéquate, par exemple les auteurs, les chorégraphes par exemple. Bon, imaginons que la protection pour la chorégraphie ne soit pas très, très aboutie, eh bien, les chorégraphes français peuvent avoir peu de protection. D'accord ? Puisque la législation nationale leur accorde peu de protection. Un auteur belge qui arrive en France, un chorégraphe belge qui arrive en France et qui peut se fonder sur le minimum conventionnel, en fait, qui est consacré par la convention, si ce minimum conventionnel prévoit une belle protection pour les chorégraphes, il sera mieux protégé que les auteurs français, pour mon exemple. Vous me suivez? Donc, dans ce cas de figure, effectivement, un État peut se trouver affecté par rapport à sa souveraineté, c'est-à-dire à ses propres prérogatives, puisqu'il, d'une part, c'est sûr qu'il a adhéré à la convention, donc il a quand même fait ce pas, mais néanmoins, au niveau national, il est dans une situation qui est, il offre une protection embarrassante parce qu'il protège moins bien ses nationaux qu'il va protéger les étrangers dans certains cas de figure. Et il doit, s'il adhère à la convention, renoncer dès lors à s'opposer à cela. Il est obligé d'adhérer à ce minimum conventionnel et il est obligé de l'offrir aux auteurs étrangers. Donc c'est vrai qu'il va devoir abandonner une partie de son pouvoir de légiférer, enfin pas de légiférer, mais je veux dire, il va une partie de son pouvoir de s'opposer à maintenir une protection basse, en tout cas pour les auteurs étrangers. Et en outre, ce qui est intéressant de constater, pas seulement en définitive pour les auteurs étrangers, il va devoir, si vous voulez, abandonner, par exemple, ses réticences à protéger certains secteurs, même par rapport à ses nationaux. Parce que politiquement, il devient indéfendable de mieux protéger les étrangers que les nationaux. Donc le minimum conventionnel, pour qu'il soit efficace, il est d'une part, il implique qu'il ait quand même un certain haut niveau de protection, sinon ça n'a pas d'intérêt. Deux, il implique que l'État accepte effectivement d'adhérer à cela et d'abandonner donc une partie de ses prérogatives, si vous voulez, au moment où on regarde ses ambitions. Le mot prérogative est trop fort, de ses ambitions, et il est contraint à devoir augmenter un niveau de protection, ne plus que pour les auteurs étrangers, et à terme, un État va être définitivement contraint à devoir élever son niveau de protection vis-à-vis de ses nationaux. Donc il va être contraint à changer la manière dont il va légiférer. retrouverais dans une situation où l'autonomie, entre guillemets, nationale sera impactée, puisqu'on doit s'inscrire dans un niveau international. Et ce qui est très intéressant, c'est donc de voir l'interaction aussi qui existe entre la Convention internationale et les législations nationales, qui seront au fil de l'eau et du temps aspirées vers le haut. Dès lors que la Convention elle-même pousse un minimum conventionnel vers le haut, les législations nationales vont devoir elles-mêmes, dans leur propre contenu, être tirées vers le haut. Et c'est là l'apport majeur de la Convention de Berne, c'est qu'elle a eu non seulement un impact au niveau international pour mieux protéger les auteurs étrangers, mais elle a eu un impact réel au niveau national. En Belgique, nous, comme on a réalisé notre première loi en même temps que la Convention, l'impact a été plus doux, puisque la rédaction s'est faite simultanément. Mais pour certains États membres de l'Union, ça a été un véritable choc où on a dû revoir en substance les différentes législations nationales. Donc il y a ces deux éléments-là. Et alors, pour revenir à l'efficacité du minimum conventionnel, c'est que le minimum conventionnel trouve donc son efficacité dans sa complémentarité avec le traitement national. Ça, j'espère que vous avez bien compris, car un simple traitement national n'est pas suffisant. Le minimum conventionnel vient compenser au départ le traitement national. Parce qu'en pratique, comment ça va se passer? Les États vont adhérer à la Convention. Par leur adhésion, ils vont donc introduire le minimum conventionnel dans leur ordre juridique interne. Ils vont devoir l'appliquer vu leurs engagements internationaux. Ils vont l'accorder à l'auteur étranger. Et par la suite, ils vont élever leur niveau de protection pour l'accorder à leurs propres nationaux. Donc ça se fait par strates. Et au fil du temps, on a donc un niveau homogène de protection. Donc il y a une interaction aussi entre les législations nationales. Ce n'est pas simplement une amélioration par le minimum conventionnel au niveau international, c'est aussi une amélioration par l'impact sur les législations nationales qu'on va avoir grâce à ce minimum conventionnel. Les législations nationales qui vont devoir se mettre au même niveau que le minimum conventionnel. Ça va, c'est compris ça? Ou pas? Oui. Donc c'est un mouvement important. Alors, troisième élément, c'est évidemment, il faut pour que le minimum conventionnel soit véritablement efficace et puisse avoir aussi son impact sur les législations nationales, il faut bien sûr que les conventions soient révisées. Parce que si on ne peut pas intégrer au fil du temps le développement technologique, ça ne sert à rien. On aura un minimum conventionnel trop faible, tout à fait dépassé sur le plan technologique, qui dès lors n'aura vocation que à s'appliquer à des œuvres classiques. Qui n'est évidemment pas l'objectif. L'objectif est que le droit puisse suivre la technologie. Mais le droit est toujours en retard par rapport à la technologie. C'est pour ça qu'on dit souvent que le droit est comme l'intendance, il suit. Parce qu'il a toujours un véritable retard. Ce n'est pas nécessairement mal, mais c'est, puisque ça permet de digérer les conséquences de la nouvelle technologie, mais parfois c'est vraiment trop tardif. Et on se rend compte que toute une série de secteurs d'exploitation échappent à toute réglementation, à toute régulation, et donc tous ces secteurs-là ne font l'objet d'aucune rémunération aux auteurs. Et on peut considérer que c'est une bonne chose, mais en général, ça c'est une option, c'est une appréciation des choses. Moi je pense que ce n'est pas une bonne chose, parce que pour la protection de la chaîne de valeur, de la création, il est important que les nouvelles formes d'exploitation des œuvres et que les nouvelles industries qui se développent sur le marché grâce à ces nouveaux modèles d'exploitation contribuent à la rétribution des œuvres qu'elles exploitent. Qu'elles n'aient pas simplement une niche technologique qui leur permette d'exploiter les œuvres en tirant parti des trous de la législation. Donc, dans le cadre de la Convention de Berne, ce qu'on a souhaité faire, c'est de prévoir des mécanismes de révision. Ça, c'est le troisième élément, c'est que cette convention soit révisée de façon périodique et que ces révisions se fassent avec beaucoup de liberté, à savoir que l'on applique bien les mécanismes de ce qu'on va appeler l'union d'États, qui permet à chaque État qui souhaite entrer d'entrer, mais à chaque étape de sortir. Donc de ne pas se trouver dans une situation où on a des contraintes trop importantes par rapport aux libertés d'adhérer aux nouvelles formes révisées de la Convention. Et la Convention a été révisée à plusieurs reprises dans son histoire, dans son évolution, puisqu'elle existe toujours, elle est toujours appliquée, elle a toujours énormément d'importance. Donc vous imaginez bien qu'en 2016, par rapport à 1886, ce texte a évidemment fortement évolué. Il a bien évolué en 1948, où on a eu ce qu'on appelait les travaux de Bruxelles, donc c'est l'acte de Bruxelles, c'est une époque importante qui va intégrer la radiodiffusion, le développement à la fois de la télévision et de la radio, qui va intégrer de nouvelles formes d'exploitation d'œuvres. Par contre, lorsqu'on arrive au développement de l'Internet, là ça va patiner. On va avoir des problèmes vraiment très importants au niveau international, où l'élévation du niveau de protection sera refusée par les pays dits émergents, qui ne souhaitaient pas payer le prix d'un niveau de protection trop élevé pour leurs propres économies. Donc, est-ce que vous comprenez ça? En quoi les pays émergents ne sont pas prêts à payer le prix d'un niveau élevé de protection pour leur propre économie et peuvent dès lors s'opposer ou bloquer des travaux qui au départ sont conçus pour s'adapter à l'évolution technologique et à hausser le niveau de protection et de rétribution des auteurs? Est-ce que vous comprenez ce mécanisme ou pas? Parce qu'ils considèrent que c'est un coût trop important pour leur économie. Et donc, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous comprenez pourquoi cela? Pourquoi ça peut apparaître comme un coût trop important pour leur économie? Juste pour vérifier si vous avez bien intégré ce que j'ai exposé. Enfin, je veux dire vérifier dans le sens où je vous donne plus d'éléments à ce moment-là. C'est pas pour vérifier si vous avez compris, quoi. C'est juste pour voir si vous êtes capable de tisser les liens. Vous avez une idée? Ouais. Dites-nous. Parce que le pays, les industries préfèrent pouvoir utiliser les œuvres de chacun comme ils le souhaitent et sans devoir payer en retour ou respecter certaines règles. C'est plus facile qu'on ne doit pas respecter les règles de son argent. C'était juste. Le principe de base, c'est vrai. Donc je ris parce que vous me faites rire de c'est clair. C'est ça. Mais au-delà de ça. Ça, c'est le bon sens que vous dites. Bon sens. Mais c'est pas juridique, ça. Oui ? Je ne suis pas sûre, mais étant donné qu'ils vont être mis sur un même pied d'égalité par rapport à des pays développés, forcément, leur économie ne sera pas la même. Eux, ils ont beaucoup moins de pouvoir dans l'économie, alors qu'ils vont être sur un même pied d'égalité avec des pays autant développés, donc il y aurait un déséquilibre à un moment ou à un autre. C'est ça ? Donc, et par quel mécanisme, alors ? Qu'est-ce qui va leur faire peur au fond là-dedans? Parce qu'effectivement ils sont à même niveau, mais c'est par quel mécanisme ici? Qu'est-ce qu'ils vont voir? Quel est l'instrument juridique, que je reviens en droit, quel est l'instrument juridique qui va leur apparaître comme beaucoup trop dangereux? Le minimum conventionnel, oui, tout à fait. Parce que le minimum conventionnel, s'il s'élève et qu'il intègre par exemple une protection étendue de l'Internet, les pays émergents, les pays des pays africains, des pays, certains pays, d'autres pays au monde. On a eu à une certaine époque, on avait l'Inde, et puis l'Inde a fait un bond incroyable technologique. Hein, aujourd'hui, on a beaucoup à apprendre de l'Inde. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une petite parenthèse, mais j'étais sidérée de voir que vous avez des bureaux complets en Inde qui connaissent le droit anglo-saxon, le droit de la common law britannique, mieux que les avocats de Grande-Bretagne, enfin du Royaume-Uni. Donc, ça ne s'intéresse pas qu'au droit belge, parce que c'est considéré comme plus limité. Donc, le danger que des juristes indiens connaissent bien le droit belge n'est pas encore là. Mais c'est incroyable, indépendamment des robots que l'on alimente aujourd'hui de toutes les législations dans le monde. Et qui sont capables d'apporter beaucoup de réponses, beaucoup de réponses automatisées pour lesquelles il ne faudra d'ailleurs plus beaucoup de juristes dans bien des secteurs dans une dizaine d'années. Néanmoins, l'interprétation reste, et toujours à côté, l'interprétation reste un élément très important que la robotisation ne s'est pas encore si bien intégrée. Donc ça reste, mais je referme la parenthèse, on voit que certains États comme l'Inde, évidemment, n'est pas du tout, ou d'autres États comme la Thaïlande ou d'autres pays asiatiques, n'étaient pas du tout intéressés à l'innovation du niveau du minimum conventionnel. Donc ça a bloqué. Ça a bloqué. On s'est retrouvé dans une situation où il n'y a pas eu une capacité de revoir la convention et de revoir le minimum conventionnel sur les nouvelles technologies. Et là, la convention de Berne, au XXIe siècle, a eu subi une sorte de décote. Et comme elle subit aussi une perte de rayonnement, d'efficacité, et on a eu le sentiment au niveau international que cette convention pouvait peut-être apparaître comme dépassée. Et ceux qui ont fortement contribué à attiser l'image d'une convention dépassée, ce sont les États-Unis, pour qui la convention de Berne était un modèle, comme je vous le disais, un modèle trop éloigné de leur propre conception du souterrain. Et donc leur volonté d'avoir des instruments juridiques développés dans d'autres enceintes internationales qui leur ressemblent davantage et qui leur correspondent davantage est apparue comme une bonne chose, pas juste le début de ma phrase, en fait, est apparue comme un élément. Comme une belle opportunité, voir que cette convention apparaisse et avoir des discours sur le fait que cette convention soit vieillissante, qu'on n'ait pas réussi à l'adapter à l'Internet, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord avec tous les États membres de l'Union, était au fond très propice à ce qu'on déplace les négociations dans un autre contexte, dans un autre cadre multilatéral. Et c'est là que la négociation s'est déplacée dans le cadre du commerce. Donc on a repris, les États-Unis ont repris quelque sorte un instrument international, l'ont déplacé dans le cadre de ce qu'on va appeler le GATT, l'accord sur le commerce de l'époque, devenu l'accord de l'OMC, l'accord de l'Organisation mondiale du commerce. Et on va donc déplacer, si vous voulez, on va profiter de l'affaiblissement de la Convention de Berne par rapport à l'échec technologique pour déplacer cette réglementation dans une autre enceinte qui est l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, où on va complètement adapter d'ailleurs la protection. Et on va faire de cette protection une protection qui est beaucoup plus orientée commerce, qui est beaucoup plus adéquate à la libre circulation, à la vente, et qui est nettement moins protectrice des auteurs. Ça, c'est pour l'évolution relative aux révisions de la Convention. Et j'anticipe des notes sur ce que je verrai avec vous la fois prochaine, qui est les accords sur le commerce, donc au sein de l'Organisation mondiale du commerce, et l'accord CETA. C'est un accord comparable. C'est un accord avec le Canada. C'est un accord qui, lui aussi, est un accord qui vise à promouvoir le commerce, mais qui a aussi pour objectif d'organiser une protection de la propriété intellectuelle qui soit bien plus nord-américaine que la protection continentale. C'est bien en ça que les accords qui ont été conclus sont des accords qui, pour moi, sont fort critiquables parce qu'ils ne respectent pas nécessairement nos matières. On verra si on va les ratifier. On verra si les États vont finir par les ratifier. Là, la pression risque d'être très forte aussi, parce qu'une fois qu'on a signé, ne pas ratifier, c'est vraiment très compliqué. Mais on verra ce qui adviendra, parce que les États commencent à lire maintenant le traité et à dire qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans la ligne de leur propre législation. D'autre part, on attend aussi, malgré tout, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui doit se prononcer sur la compatibilité de ce traité avec le contenu de la législation européenne. Donc, on verra, on aura à mon avis encore certaines surprises à mon avis. Donc, j'en reviens maintenant à la Convention de Berne et aux révisions. Donc, cette convention-là, elle a été donc révisée au fil de l'eau, mais elle a connu un échec en ce qui concerne l'Internet et les nouvelles technologies. Et c'est la raison pour laquelle les États-Unis ont pu promouvoir un développement au sein de l'Organisation mondiale du commerce, Ah, vous avez sans doute entendu parler des accords de Marrakech, qui sont des accords importants en matière de propriété intellectuelle. Dès 1991, on s'est mis d'accord sur une évolution commerciale du droit d'auteur au niveau international. C'est pas pour autant que l'Union de Berne a capitulé. Donc c'est pas pour autant, mais elle a pris du retard. Elle a pris du retard, elle a adopté d'autres instruments internationaux, qu'on va appeler les nouveaux instruments, qui vont finir par être adoptés en 1996, et qui sont protecteurs des contenus créatifs, qui sont, je les aborderai également, parce que la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que ces instruments font partie du droit communautaire. Et donc elle a donné une valeur dans l'Union européenne de ces instruments de l'Union de Berne, qu'on va appeler les nouveaux instruments, ces deux nouveaux instruments, un sur le droit d'auteur, un sur les droits voisins, sont pour la Cour de justice une partie du droit, font partie du droit communautaire, sont donc du droit communautaire en quelque sorte, assimilés à du droit communautaire. Et c'est évidemment fort important parce que ça va leur donner dans l'Union européenne une grande importance et ça va également permettre à certains égards une homogénéité de la protection au-delà de l'Union européenne puisque ces instruments s'appliquent dans l'Union de Berne comme on dit. Donc on a quand même eu une capacité à s'adapter à la technologie mais tardivement que dans le cas de l'OMC et là et du coup il est certain que l'influence des accords de l'OMC, donc des accords sur le commerce, va pouvoir, au fond, se répandre pendant plusieurs années, le temps que ces nouveaux instruments de la Convention de Berne, de l'Union de Berne, émergent et soient adoptés. Donc voilà pour les révisions, mais néanmoins, donc, on a pu prendre en considération le cinéma, la télévision, la radio, le développement de la photographie, ce qui a considérablement évolué, et l'Internet aussi, dans le cadre de l'Union de Berne, et donc les nouvelles technologies. Si maintenant, nous abordons le traitement national, donc je vais voir les deux grands principes, si nous abordons le traitement national, comment est-ce que ça fonctionne? Mais ça fonctionne d'une manière qui est incroyablement généreuse. Ça, c'est vraiment extraordinaire. On a voulu vraiment faire bénéficier les auteurs, un nombre vraiment très important d'auteurs, d'une large protection. Et on a donc été très généreux parce qu'on n'a pas limité ce traitement national aux ressortissants des États membres de l'Union de Berne. Vous allez voir comment est-ce qu'on a procédé. Donc on n'a pas simplement voulu donner cette protection à ceux qui sont des nationaux des États de l'Union, donc ce qu'on appelait les ressortissants, on a voulu l'élargir à d'autres auteurs, même s'ils étaient domiciliés dans des États ou qui n'étaient pas partis à l'Union de Berne. Exemple, les artistes de l'ancienne Union soviétique. L'Union soviétique n'a pas intérêt à l'Union de Berne parce qu'ils avaient d'abord un système complètement différent. Dans un système où les droits appartenaient à l'État, dans le système collectif et communiste de l'ancienne Union soviétique, un écrivain, un peintre n'avait pas de droit de monopole, n'avait pas de droit propre. C'était un droit collectif qui appartenait à l'État. Alors les écrivains recevaient en compensation de ça, les écrivains étaient dans un autre système. Les artistes, ils recevaient une petite rente de l'État. Ils étaient fonctionnaires de l'État, si vous voulez, en quelque sorte. Hein. On était donc dans un système complètement différent. Donc pour un auteur, dès lors qu'un auteur russe voulait voir ses œuvres imprimées ou communiquées dans Europe, il y avait, si la Russie, si l'Union soviétique n'était pas membre de l'Union, ça pouvait paraître impossible d'avoir une protection au sein de l'Union. Et donc une publication, par exemple, en Europe, aurait pu ne pas être protégée de quelque manière que ce soit, ce qui nous aurait privé de beaucoup d'écrivains russes de talent, ce qui n'aurait pouvait voir des œuvres diffusées nécessairement chez nous, puisqu'il n'aurait pas eu de rémunération, pas de protection, pas de véritable système de valorisation de leurs œuvres. Alors, pour l'entraînement national, on a décidé justement au niveau international d'aussi vouloir inclure ces auteurs-là, en disant on ne va pas tarder sur une protection égoïste des droits internationaux. On va tarder sur une protection généreuse, même à certains égards peut-être trop généreuse, que on voit que le système du traitement national joue parfois fortement en défaveur de l'Europe par rapport aux États-Unis, parce que les États-Unis, mais ça j'y reviendrai, n'ont pas nécessairement le même niveau de protection que nous, alors que nous, on offre un système de protection très important aux auteurs américains, sans qu'il y ait plus de réciprocité en définitive de l'autre côté. On se rend compte que le système du traitement national va, dans un tout premier temps, et c'était une bonne chose à l'époque, à mon avis, va englober toute une série de créateurs ressortissants d'États qui ne sont pas membres de l'Union. Il va favoriser une véritable diffusion des œuvres, les œuvres de Tolstoï, les œuvres, toute une série d'œuvres de grands auteurs, même Mussolini, etc. Toutes ces œuvres sont des œuvres qui vont pouvoir nous parvenir grâce notamment au système mis en place par la Convention et grâce à la définition élargie du traitement national. Alors, que dit le traitement national? C'est à l'article 5 qu'il est conçu. Ce principe prévoit que, en principe, donc, les auteurs qui sont ressortissants d'un État contractant vont pouvoir bénéficier dans les autres États contractants du même régime juridique que celui qui est attribué aux ressortissants de ces États. Ça c'est clair, hein? Ça c'est le principe de base. Je suis ressortissant d'un État, je vais donc bénéficier dans un autre État du même régime juridique que celui que cet État accorde à ses propres nationaux. Mais on ne s'est pas limité à ça, on a élargi le bénéfice de ce traitement à, d'une part, aux auteurs qui ont leur résidence, qui ont une résidence donc dans les États contractants, même s'ils ne sont pas de la nationalité de l'Union. Donc, par exemple, un auteur russe qui est établi en France, s'il a une résidence en France, il va pouvoir bénéficier, si vous voulez, de la protection puisqu'il a une résidence. Donc on élargit le bénéfice du traitement national aux auteurs qui ont leur résidence dans les États de l'Union. Mais on va encore plus loin. On décide également de ne pas exiger donc la nationalité uniquement, de ne pas exiger uniquement la résidence. On va encore aller plus loin, on va tenir compte du lieu de publication. On va vouloir élargir le champ de la protection aux auteurs qui vont publier dans un des pays de l'Union. On pourra inciter à la divulgation des œuvres étrangères et pouvoir essayer d'attirer des auteurs étrangers. Ce qui sera prévu, c'est de permettre et d'élargir le bénéfice du traitement national aux auteurs qui publient. Alors, on a quand même mis des conditions pour pouvoir, pour cet élargissement. On va requérir que l'auteur doit publier soit pour la première fois dans un des pays de l'Union, donc avoir un auteur russe, et pour la première fois édite son œuvre en France, œuvre qu'il n'a pas encore divulguée, pouvait être protégé en vertu de la Convention, même s'il habitait dans l'ancienne Union soviétique. Donc vous aviez, et c'est ça grâce notamment au mécanisme de la Convention de Berne, qu'on a eu des auteurs dissidents qui ne trouvaient pas d'éditeur, si vous voulez, par exemple dans l'ancienne Union soviétique, parce que leur œuvre était dissidente et que c'était compliqué de trouver un lieu de publication, qui ont été attirés par le bénéfice de la Convention de Berne et qui ont pu avoir des relations commerciales avec des éditeurs français dans un climat de sécurité juridique extraordinaire. Puisque la Convention de Berne, dès lors qu'ils publiaient pour la première fois dans un des pays de l'Union, leur accordait une protection comme aux auteurs français. Donc c'était évidemment miraculeux, je dirais, pour des écrivains, pour des auteurs, pour des créateurs, de pouvoir être protégés de cette manière-là. Et ça a eu pour effet d'attirer beaucoup de publications dans l'Union de Berne. Alors c'est pas non plus simplement pour les œuvres publiées pour la première fois, parce qu'on s'est dit, mais si on fait ça, ça veut dire aussi qu'on va systématiquement exiger l'auteur qui publie d'abord chez nous, chez les États, sur le territoire des États contractants. Donc ça peut-être paraître un peu, entre guillemets, pas très politiquement correct. Donc on va permettre malgré tout une publication simultanée. On va aussi ouvrir à ce qu'on va appeler la publication simultanée dans un état non contractant et dans un état contractant. Donc pour prendre l'exemple de mon russe, si mon auteur russe publiait simultanément en Union soviétique et dans un des pays de l'Union, par exemple en France, il avait encore le traitement national et il était protégé comme les auteurs français. S'il publiait pour la première fois en France et qu'il n'avait pas d'éditeur dans l'Union soviétique, ben, c'était un traitement national aussi, il était aussi bien protégé que les auteurs français. Mais s'il publiait d'abord dans l'Union soviétique et plus tard, par exemple si son œuvre était traduite plus tard en France, alors une discussion pouvait intervenir sur la question de savoir si il était protégé, sauf à considérer que la traduction a été elle-même une œuvre originale, propre et indépendante, et qu'elle pouvait alors bénéficier d'une protection. Mais par exemple, s'il éditait, prenons un auteur, prenons par exemple un auteur africain où le français était pratiqué, si l'auteur africain publiait simultanément dans le pays en Afrique et simultanément dans l'Union de Berne, il était protégé comme le ressortissant de l'État contractant où il publiait. Donc vous voyez que le régime est extrêmement généreux, puisqu'on offre un traitement national et on l'offre à des auteurs dont les États ne sont même pas des parties contractantes. Et même si ces États ne couvrent pas le minimum qu'on n'offre pas donc le minimum conventionnel. Parce que là, on était dans un régime à sens unique. Dans l'hypothèse, par exemple, de l'ancienne Union soviétique, c'est vrai que les auteurs français qui allaient, dont les œuvres circulaient dans l'ancienne Union soviétique, n'avaient pas de protection, puisqu'il n'y avait pas d'adhésion à la Convention de Berne. Donc on se trouvait dans un régime qui était, à l'époque, vraiment très généreux, puisqu'on protégeait tous les auteurs qui publiaient chez nous, ou tout même les auteurs américains qui publiaient chez nous, parce que les États-Unis n'ont pas voulu adhérer à la Convention de Berne avant la fin des années 80. Et donc pendant très longtemps, les auteurs américains étaient protégés chez nous en Europe, sans que les auteurs européens ne soient protégés aux États-Unis, de quelque manière que ce soit. Donc c'est un régime extraordinairement accueillant qui, à un moment donné, a. C'est vrai que tant il se justifie lorsqu'il y a des déséquilibres économiques entre les pays, qu'on veut favoriser une circulation des œuvres, tant il est moins justifié lorsqu'on a des niveaux économiques suffisants et comparables, un État, à ce moment-là, refuse d'adhérer à la Convention parce qu'il ne veut pas intégrer le minimum conventionnel pour des raisons de lui sont propres, mais voit ses ressortissants en avoir tout le bénéfice. C'est vrai que pendant très longtemps, on a pu considérer que c'était quand même profondément injuste que les États-Unis n'accordent pas le même régime de protection et n'adhèrent pas à la Convention alors que beaucoup de leurs auteurs étaient diffusés en Europe, étaient publiés par des maisons d'édition britanniques et que les auteurs européens n'avaient absolument aucune protection avant, je me rendais compte, presque les années 90. Quoi. Donc c'était quand même incroyable le plan économique. Mais à bien des égards, en tout cas, ça enrichit, ça a fait de l'Union, et en particulier de l'Europe, ça a fait de l'Europe un des centres culturels très importants en matière de propriété littéraire et artistique. Ça, il est certain que ça a fortement contribué à ce qu'on polarise. Grâce à ces mécanismes de protection, on polarise véritablement le développement de circuits de diffusion d'œuvres, qu'on attire énormément de créations dans les territoires européens. Que dire encore? J'étais en train de réfléchir. Oui, alors Ce qui est important aussi, parce que pour que ce système fonctionne, il faut nécessairement qu'il soit assez souple. Et si on met aussi des, on va appeler des contraintes à l'entrée ou des l'entrée des œuvres, on peut théoriquement concevoir un truc de système, mais s'il y a des contraintes à l'entrée et au fait que passer les frontières, l'auteur a virtuellement droit à une belle protection, mais qu'il doit néanmoins remplir toute une série de contraintes, alors on va se trouver dans une situation où fondamentalement la protection va apparaître comme, tout à fait théorique. Si on met des exemples de contraintes, une contrainte d'enregistrement chère. Donc l'idée pourrait être qu'un auteur est protégé pour autant qu'il accomplisse une formalité essentielle qui est enregistrer son œuvre dans un territoire de l'Union. Donc, ça veut dire aller dans le centre d'enregistrement, ça peut être aux États-Unis, c'est Library of Congress, on peut enregistrer l'œuvre, et au moment où on demande l'enregistrement de l'œuvre, on fait payer une taxe importante. Ça, c'est évidemment une contrainte à l'entrée, parce que ça peut être un frein qui empêche des auteurs à vouloir voir leur œuvre commercialisée dans les territoires de l'Union. Donc, ce qu'on a voulu aussi pour favoriser et attirer les œuvres, on a décidé au niveau international que la protection allait être accordée sans aucune formalité. Donc, c'est capital dans l'Union de Berne, c'est que c'est extrêmement cher aussi parce qu'une œuvre est protégée du simple fait de sa création. Il ne faut pas qu'elle soit nécessairement enregistrée pour être protégée. C'était là aussi un gros problème qu'on avait avec les États-Unis, puisque eux pratiquaient le système de l'enregistrement pour, comme élément constitutif de la protection pendant très très longtemps. Si l'œuvre n'était pas enregistrée aux États-Unis, vous n'étiez pas protégé. Donc, dans l'Union de Berne, on a décidé l'inverse. On a décidé que l'œuvre était protégée du simple fait de sa création et qu'il n'y avait aucune formalité. C'était donc un système extrêmement simple, pas de complications. Pas d'éléments essentiels, pas de taxes à payer, pas de barrières à l'entrée. Donc, un véritable, on peut appeler un marché complètement ouvert, dès lors que, ou une terre d'accueil, si vous voulez, au niveau juridique, dès lors qu'on prenait l'initiative de publier pour la première fois dans un pays de l'Union, on le faisait de façon simultanée dans un pays de l'Union et dans le pays d'origine, par exemple. On était protégés comme les nationaux. Donc, pas de barrière à l'entrée, pas de formalité. Alors, ce qui a néanmoins peut-être été, mais c'est d'autres choses, a été un petit élément restrictif, c'est que dans certaines circonstances, on a introduit un régime de réciprocité. Donc, dans certaines circonstances, qui sont définies par la Convention elle-même, c'est donc une exception par rapport à la règle du traitement national. Est introduit. Lorsqu'en droit on parle d'une exception à la règle, ça veut dire que dans le doute, les exceptions s'interprètent toujours restrictivement. Ça signifie donc que la règle c'est vraiment le traitement national et que dans le doute c'est la protection du traitement, c'est le traitement national qui prévaut. Les exceptions restrictives. Alors dans quel cas avons-nous une réciprocité? On en a dans quelques cas, mais il y a deux cas importants qui sont dans l'histoire de la propriété littéraire et artistique et qui ont encore un impact important aujourd'hui. C'est dans le domaine de la durée de la protection. C'est important que vous le sachiez, qu'une durée de protection, c'est évidemment capital, c'est la durée du monopole. Combien de temps est-ce que l'œuvre sera protégée, pendant combien de temps est-ce qu'elle pourra donc être exploitée avec rémunération aux auteurs et aux créateurs, cela dépend de la durée, souvent, de protection. Alors, une fois que la durée est expirée, la question de la rémunération par rapport à l'auteur pose plus, on peut avoir un autre type de rémunération, un forfait, un cachet pour autre chose que le droit d'auteur. Mais néanmoins, la question de la rémunération du droit d'auteur ne se pose évidemment plus qu'une fois que la protection est expirée. Donc, au niveau international, ça peut coûter cher d'accorder un traitement national pour des durées de protection qui sont complètement déséquilibrées. Et là, je parle même entre États contractants. Hein, je parle parle, prenons un état contractant, on avait des propositions qui étaient très différentes selon les états. Il y avait des états qui protégeaient, par exemple, une photographie pour 10 ans, il y avait des états qui les protégeaient pour 25 ans, vous aviez des états qui les protégeaient en général pas, et ça, alors on a mis un conventionné, mais vous aviez des. Donc la durée de la protection pouvait fortement varier. Par exemple, en matière d'art appliqué, là aussi, on peut avoir des délais de protection complètement différents. Donc, l'idée qu'un auteur, si vous voulez, qu'un designer, par exemple, ou qu'un photographe, soit protégé dans son pays d'origine pour 10 ans, et dans le pays où il réclame la protection pour 25 ans, ça fait une différence de 15 ans de droit d'auteur, ça peut être cher pour l'économie d'un pays. Et donc, la phobie, parce qu'il faut payer, bien sûr, pendant 15 ans en plus, les droits, alors que dans le pays d'origine, on ne paiera que 10 ans aux ressortissants et aux créateurs du pays où la protection est réclamée. Donc on a un grand déséquilibre économique, je dirais, dans les flux, puisque une protection de 10 ans, 5 ans de différence, et une protection de 10 ans, une protection de 25 ans, ça fait 15 ans de différence. Donc pour éviter cela, ce qu'on a prévu, c'était le régime de réciprocité. Ça veut dire que la durée de la protection qui est accordée dans le pays où la protection est réclamée, ou dans l'autre état ou un exploiteur, ne pourra pas, ne dépassera pas la durée de la protection du pays d'origine de l'œuvre. Donc si je suis auteur français et que je publie en Allemagne, où la durée de la protection était avant l'harmonisation européenne de 70 ans, en France de 50 ans, moi, auteur français en Allemagne, lorsque je demande la protection de mon œuvre, je ne peux demander qu'une protection de combien ? Ça ne pas là. Combien ? 50 ans, tout à fait. Puisqu'on compare la durée de la protection. C'est clair, ça, pour vous ? Donc, je compare les durées de protection. Donc, si en Allemagne, vous avez une protection de 70 ans et qu'en France, vous avez une protection de 50 ans, ce qui était le cas longtemps avant l'harmonisation européenne, on a un même niveau de protection au niveau européen. Lorsqu'un auteur français se présentait en Allemagne, il ne pouvait avoir que la durée, on comparait les durées de protection, et il ne pouvait avoir que la durée de protection de son pays d'origine français. Donc comme c'était 50 ans en France, en Allemagne, il n'avait que 50 ans. Et les auteurs allemands, lorsqu'ils venaient en France, ils étaient maximum. Il n'avait pas 70 ans. C'était parfois très important parce que les éditeurs, dans certains pays, les éditeurs étaient protégés depuis bien plus longtemps puisqu'ils avaient obtenu la cession des droits des auteurs. Dans certains pays, les éditions étaient encore protégées dans certains états, parfois plus de 20 ans, et dans d'autres états, elles n'étaient plus protégées. Et donc elles étaient libres de droits. Ce qui a créé donc maintenant dans le secteur de l'édition perturbation, puisqu'on n'avait pas les conditions économiques qui étaient comparables et on avait un régime de protection qui était plus favorable dans certains états que dans d'autres, qui pouvait parfois être plus intéressant d'éviter dans certains états ou de commercialiser dans d'autres selon que la protection était expirée ou n'était pas. Ça a créé effectivement parfois des importantes distorsions de concurrence, raison pour donc ce régime de la convention de Berne, puisqu'on comparait les durées de protection. Il n'y avait pas d'assignation. Donc ce qu'on a fait au niveau européen, on a harmonisé les durées de protection pour éviter qu'il y ait des distorsions de concurrence liées aux comparaisons de durées de protection. Alors la réciprocité était également prévue par exemple pour les œuvres des arts appliqués, qui étaient considérées comme un secteur très commercial, un secteur refaire faire des œuvres à de très nombreux exemplaires. Alors on parle là de. On sait très bien que ce ne sont pas des exemplaires uniques. Dans le domaine du design, on en compte. C'est les modes. Enfin, ça dépend, hein, ça peut jouer bien sûr. C'est bien sûr que ça a de la valeur. Je veux dire, le principe est quand même de produire de très nombreux exemplaires et d'éditer donc des modèles de tables, par exemple, de chaises, à de très nombreux exemplaires. Et dans ce domaine-là aussi, on a permis aux États de bien circonscrire la manière dont ils souhaitent organiser la production et d'introduire aussi des régimes de réciprocité si, dans ces domaines-là. La Convention a même prévu qu'un État qui ne protégeait ses designers, donc en matière d'art appliqué, moi je dis designer pour simplifier, c'est les auteurs, créateurs des arts appliqués, c'est plus large. Je vous donne ici l'exemple de designer. Un État donc, qui n'assure une protection de ses designers que par une législation spéciale en matière de dessins et modèles, ça existe hein, dans un très important de pays. Une législation spéciale en matière de dessins et modèles, si on ne protège que par la voie de cette législation spéciale, qui en général accorde une protection limitée, une durée très limitée, c'est une protection spécifique, qui est un droit de monopole aussi, mais qui est beaucoup plus limitée. Si un État n'assure que ce type de protection-là, dans l'Union de Berne, il ne pourra avoir que la protection spéciale de l'État du pays où il réclame la protection en matière de dessins. Il ne pourra pas avoir de protection par droit d'auteur. Donc, pour des œuvres de design ou d'art appliqué, lorsque dans le pays d'origine, la protection n'est que la protection par la voie d'une législation spéciale sur le design, cela implique que la protection dans les pays de l'Union qui sera accordée ne sera accordée que par la voie d'une même législation spéciale en matière de design, pas par droit d'auteur. Donc là, vous voyez, il n'y a pas d'assimilation. Il n'y a pas l'assignation de l'étranger au national. Donc, il n'y a pas le fait, dans l'hypothèse où vous n'aviez, par exemple aux États-Unis, vous avez toute une série de créations qui ne sont pas protégées par le copyright. Donc, qui sont uniquement protégées par une législation, soit sur le brevet, ou soit par des dessins et modèles, ou des modèles. Donc, ces créations-là, dès lors qu'elles sont importées en Europe, au regard de la Convention de Berne, s'il n'y a pas de protection par aux États-Unis, à ce moment-là, elles ne peuvent bénéficier dans l'Union de Berne que d'une protection par dessins et modèles. Et pour vous donner un exemple, j'avais plaidé une affaire où je défendais les briquets Zippo, le modèle des briquets Zippo. J'en termine là. Je n'ai pas noté, mais c'est juste pour que vous compreniez. J'ai plaidé une affaire sur les briquets Zippo. Il y avait des importations qui venaient non autorisées. Et donc, j'ai invoqué la législation sur le droit d'auteur. Mon adversaire n'a pas manqué de soulever que moi, j'avais soulevé la protection par droit d'auteur parce qu'elle est bien étendue et que je ne pas après la mort de l'auteur. Moi, en Belgique, je me dis, je peux avoir une belle protection pour ces briquets. Donc, je vais attaquer pour contrefaçon. C'était des importations qui n'étaient pas autorisées par le producteur de briquets, Zippo. Donc, elles avaient été contrefaites. Et j'invoque la législation sur le droit d'auteur. Donc, c'était des contrefaçons, c'était des exemplaires authentiques à l'époque, mais qui n'avaient pas été autorisés par le producteur à être importés dans l'Union européenne. Donc, ce n'était pas des contrefaçons chinoises. Hein. C'était simplement quelqu'un du réseau des briquets Zippo qui n'avait pas respecté les accords de distribution et qui avait trouvé le malin d'importer sur d'autres territoires pour augmenter son chiffre d'affaires. Comme Zippo voulait faire respecter sa répartition territoriale, ils m'ont demandé d'agir et donc moi j'ai attaqué pour atteinte au droit d'auteur. Mon adversaire évidemment n'a pas manqué de dire, mais dans le cadre de l'Union de Berne, vous ne pouvez pas attaquer sur le droit d'auteur parce que les briquets ne sont pas du tout protégés par le droit d'auteur aux États-Unis. Et donc vous ne pouvez attaquer que sur la base d'une législation sur l'art appliqué, les dessins et modèles. C'était malin évidemment de m'opposer cela, puisque. Et on a eu alors tout un débat, c'est assez passionné. Moi, j'ai pris donc des contacts avec des avocats américains pour qu'on ait bien la preuve que les briquets étaient bien protégés par droit d'auteur, ce qu'ils n'étaient pas à l'époque. Mais j'ai trouvé alors du coup un autre argument où j'ai combiné, où je n'ai pas pris la forme du briquet, j'ai pris les dessins sur le briquet. Et si vous voulez, j'ai donc obtenu une protection, parce qu'un briquet a une forme, la forme peut être protégée. Mais indépendamment de la forme, un briquet peut être décoré. Et si vous connaissez les briquets Zippo, qui sont les fameux briquets, vous voyez dans les films, hein, comme une vie de nature, mais les États-Unis, parce que c'est la flamme qui ne s'éteint pas. Hein. Ça, c'est la légende autour de ces briquets. Et que pendant la guerre du Vietnam, l'armée américaine avait reçu des briquets Zippo. Donc, c'est resté un grand symbole aux États-Unis. Et donc, pour finir, ce que j'ai trouvé comme argument, c'est de plaider que mes briquets étaient décorés et que donc ils étaient bien éligibles à la protection, qu'un dessin est un dessin protégé aux États-Unis sur un briquet ou pas. Et j'ai gagné sur cette base-là. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que vous voyez bien, au niveau de discussion, on peut rencontrer. Donc on est là, plus dans un régime de traitement national. Je ne parle pas des dessins, mais de la forme du briquet, puisque effectivement, un briquet en tant que tel, dans sa forme, n'est pas protégé par copyright aux États-Unis, ce qu'il peut être en Belgique, donc ça dépend un peu du type de briquet. Donc, s'il y avait eu traitement national, on n'aurait pas demandé quelle était la protection, le régime de protection dans le pays d'origine de l'œuvre. On n'aurait pas demandé, tiens, quel est le régime de protection aux États-Unis. Parce qu'on aurait dit, ben, y a assimilation, donc on peut appliquer le droit d'auteur, puisqu'en Belgique, c'est protégé par le droit d'auteur. Mais comme il y a un régime de réciprocité qui a été introduit, on doit vérifier s'il y a une équivalence de réglementation. Et ce que la Convention prévoit par contre, et là elle reste généreuse, c'est de dire s'il n'y a pas de protection dans le pays d'origine, donc rien, c'est même peut-être même presque enfin, un peu illogique, il n'y a aucune protection dans le pays d'origine, alors c'est bien protégé par droit d'auteur, on accepte le traitement national dans le pays où la protection est réclamée. Donc si je reprends mon de briquet, imaginons qu'il n'y ait aucune protection aux États-Unis, même des dessins, en Belgique, dès lors que la protection des dessins est organisée et accordée aux auteurs belges, on l'accorderait aux auteurs américains et si à l'entreprise qui est titulaire des droits d'auteur. Ça va ? Donc vous voyez comme le régime. Donc voilà, deux exceptions en matière de traitement national. En ce qui concerne le minimum conventionnel, on verra ça la fois prochaine. Le minimum conventionnel est important dans sous plusieurs angles. Le premier, c'est pour la notion d'offre, parce qu'on trouve beaucoup de choses dans la convention de Berne, et c'est ça que je passe du temps sur cette convention, dans la mesure où les législateurs nationaux ne définissent pas l'offre. Et là, comme les législateurs nationaux ne définissent pas l'offre, c'est vrai que c'est la jurisprudence qui, au fil du temps, a défini ce qu'est une œuvre. À dégager des critères abstraits, on les verra ensemble. Néanmoins, on a encore beaucoup de discussions devant les juges parfois quant à la question de savoir est-ce que ça c'est vraiment une œuvre au sens du droit d'auteur. Alors, la ressource, c'est la Convention de Berne. Pourquoi ? Parce que la Convention de Berne, dans la Convention de Berne, comme on voulait être généreux, on a défini ce qu'est une œuvre. On a listé une quantité d'œuvres protégées par le droit d'auteur. Et ça, ça permet de voir clair. Ça permet de, par exemple, avoir une protection des œuvres scientifiques. Que dans nos pays, dans l'Europe, la protection d'une œuvre scientifique est souvent refusée. C'est pourquoi vous avez le... Est-ce que vous avez quelques idées du motif pour lequel souvent les juridictions refusent de protéger les œuvres scientifiques ? Exactement. Parce que ça touche plus aux idées, au savoir que les idées ne sont pas protégées, qu'on veut surtout, qu'on a peur, que les juges ont peur de, par le monopole, qu'ils ont peur de figer le savoir. Qu'ils ont peur qu'une protection trop étendue soit accordée à quelque chose qui, au fond, doit pouvoir être libre d'emprunt, de reprise, d'exploitation, et qu'interdit le monopole de l'auteur. Donc, quand on dit. Et surtout aussi parce que ce qui est scientifique apparaît comme souvent répété, repris, réexploité, ce qui donc emprunté à, ce qui fait qu'on a, souvent un double débat. Un, les idées, deux, ça existait déjà depuis longtemps, et c'est pas original, qui est une des conditions de protection de l'œuvre. Ce qui est intéressant, c'est que la Convention parle de toute de protection dans le domaine de la propriété littéraire et scientifique. Donc même si on ne va pas lister et énoncer l'œuvre scientifique comme étant une œuvre protégée, elle va viser une protection dans le domaine de la propriété littéraire, artistique et scientifique. Donc on va se trouver dans des matières qui, au niveau international, sont bien protégées par le droit d'auteur. Voilà pour le minimum conventionnel, peut-être encore un point. Un autre élément, le minimum conventionnel va définir des prérogatives qui colorisation des œuvres, que j'y reviendrai, où là on a vu une certaine ouverture, mais de manière générale, il n'y a pas d'ouverture en ce qui concerne le droit moral de l'auteur aux États-Unis. Mais la Convention de Berne le consacre de manière très large et étendue, et également en matière de droits patrimoniaux, où la Convention va accorder aussi des droits étendus au niveau international. Et les droits seront à ce point étendus que les législateurs nationaux vont devoir eux-mêmes étendre leur propre régime de protection en matière de droits patrimoniaux de l'auteur, qui sont donc les deux grands droits que l'on rencontre au niveau national également. Le droit moral étant attaché à la personne de l'auteur, et le droit patrimonial étant le droit qui va lui permettre de valoriser son œuvre à travers des mécanismes d'exploitation que sont la reproduction, la communication, la représentation, la distribution de l'œuvre. Et donc ce sont toutes les exploitations économiques qui sont couvertes par les droits patrimoniaux, le droit moral étant en plus le droit qui protège la personnalité et donc le lien qui lie l'auteur à son œuvre. Je vais m'arrêter ici et nous allons poursuivre la fois prochaine sur ce minimum pour aborder ensuite la convention de Rome et puis la